أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ويقول كذلك: لا يشبع المؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه الجنة. إذن كنا تكلمنا عن تفسير بعض آيات، كيف سيدنا عبد الله بن عباس يعني الرسول دعا له بالحكمة وتأويل الكتاب، وكان سيدنا عبد الله بن عباس كان يقول: أنا من الراسخين، لأنه الله قال في القرآن: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. هذه الآية فيها زوز قراءات واردة عن النبي: وما يعلم تأويله إلا الله، فهو وقف، فما قراءة بالوقف، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل عند ربنا. هذه قراءة. هناك قراءة أخرى: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. إذن هذه معنى وهذه معنى. القراءة بالوقف هو كان يقولها: أنا من الراسخين، سيدنا عبد الله بن عباس، معناه هناك تأويل يعلمه الله أكيد ويعلمه الراسخون في العلم، مثل آيات يفسرها عبد الله بن عباس: والسماء بنيناها بأيد، أي بقدرة. فسر الآية كذلك، فسر الآية: فأينما تولوا فثم وجه الله. فسر عبد الله بن عباس قال: قبلة الله، معناها قبلة الله. ماذا؟ مش في أي صلاة، في الصلاة النافلة، ليس في الفرض. الفرض فيه آية: فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطر. فأينما تولوا فثم وجه الله، معناها قبلة الله في الصلاة النافلة، في السفر يجوز تتنفل في أي جهة. كانوا يسافروا قبل على الراحلة، وكان وقت طويل، فرخص الله لهم أنه يصلي على يتنفل في الطريق على الراحلة في أي جهة. يعني يكبر في القبلة ويكمل في أي جهة. هذا نزلت في هذه: فأينما تولوا فثم وجه الله. فسر عبد الله بن عباس في الصلاة النافلة على الدابة، مش في الفرض. وجه الهلال القبلة تأتي، وجه الله يأتي بشيء بمعاني أخرى في اللغة: أعمل هذا لوجه الله، معنى ابتغاء الثواب من الله. أقرب ما تكون المرأة في الحديث الصحيح: أقرب ما تكون المرأة من وجه ربها في قعر بيتها، معناها أقرب ما تكون من طاعة ربها في بيتها، أحسن، بلا ضرورة لا تخرج. وجه ربها أي طاعة ربها. شفتوا يعني أساليب اللغة العربية والقرآن بلسان عربي مبين. إذن هذا على تأويل تفسير الآية: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، على الوصل، قراءة الوصل. وعبد الله بن عباس كان يقول: أنا من الراسخين. وهناك قراءة الوقف: وما يعلم تأويله إلا الله. قال علماء معناها يعني أشياء لا يعلمها إلا الله، مثال قيام الساعة على التحديد لا يعلمه إلا الله، هذا التأويل لا يعلمه إلا الله. خروج الدجال على التحديد، هذا تأويل لا يعلمه إلا الله. هذا معنى وما يعلم تأويله إلا الله قراءة الوقف، لأنه في قراءات وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام، قراءات علمها الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه قراءة بالوقف، وما يعلم تأويله إلا الله. وقف، والراسخون في العلم يقولون آمنا به. والقراءة الأولى شرحناها، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، يعني هناك تأويل آيات المتشابهة وكذا يعلمها، أكيد يعلم الله سبحانه وتعالى كل شيء، وعلماء يعني هم راسخون في العلم أمثال عبد الله بن عباس يعلمون ذلك، وأعطينا الأمثلة على هذا. مش نبين كل هذا قرآن يعني عظيم. الله قال إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، أنا مش أي واحد يعرف شوية عربية حتى نحو صرف صار يفسر بهواه، ليس هكذا. Donc on a expliqué ce qu'on a commencé hier, on a parlé de tafsir du Coran, et en fait, donc on a parlé d'Abdullah ibn Abbas, que le prophète lui a fait le dua qui devient que Dieu lui facilite, qui peut interpréter le Coran, ta'wil. Il disait « Ana min al-rasikhin fi al-ilm », c'est-à-dire « Je fais partie de ceux qui sont versés dans la science ». Pourquoi ? Parce que d'un verset, Allah dit dans le Coran « وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ » ne sait l'interprétation de cela que Allah et ceux qui sont versés dans la science. Et il y a une autre récitation de cette ayah, c'est « وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ » s'arrêter et « وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّ بِهِ » de s'arrêter. Il y a deux récitations, parce qu'il y a plusieurs récitations rapportées du prophète, alayhi salatu wassalam. Donc la première manière, c'est ne sait l'interprétation que Allah et ceux qui sont versés dans la science. Et c'est pour ça Abdullah ibn Abbas, il a interprété plusieurs versets. On a vu, par exemple, il a interprété « Wassama'a bainayna bi'aydin » c'est-à-dire Dieu a créé les cieux par sa puissance, « Qudra ». Il n'a pas dit « main » comme dans les traductions qu'on trouve... dans les applications, dans les... parce que tous ils se font copier-coller, celui qui a fait l'erreur le premier, les gens copient sur lui. Il faut se dire, on l'a rappelé, le fait qu'un livre il est joli, il est décoré avec calligraphie, ne veut pas dire que tout ce qu'il y a dedans est vrai. Celui qui a fait une jolie application qui parle soi-disant de l'islam, ne veut pas dire que tout ce qu'il y a dedans est vrai. La belle apparence de la forme ne garantit pas la fiabilité du fond. Donc, il ne suffit pas de voir, oui, application islamique. La plupart qui font les applications, ce n'est pas des gens qui maîtrisent la religion. Ils maîtrisent les techniques, c'est des informaticiens. Ou c'est des écrivains, ils écrivent des livres. Ils maîtrisent la langue, la linguistique française ou autre dans laquelle ils s'expriment. Mais ils sont loin, beaucoup, la plupart, ils sont loin de la religion. Beaucoup, ils font ça pour l'argent, pour la notoriété, ou comme ça. Il y en a, il veut faire le bien, mais il est à côté de la plaque, comme on dit. Comme Allah dit dans le Coran, « قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا أَلَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يَحْسِنُونَ صَنْعًا » C'est clair le verset. Il veut dire quoi ? Il y en a, ils pensent faire le bien, mais vraiment, ils sont perdants, ils sont égarés. Il pense faire le bien. Comme il a dit l'imam Ali sur un groupe sur les Mu'tazila, le Khawarij, il a dit « Je sais que vous ne visez pas le bas monde par vos œuvres, vous visez l'au-delà, mais vous êtes trompé de chemin. » Il parlait de ce groupe-là, égaré, il a dit « Vous ne cherchez pas le bas monde, mais vous cherchez l'au-delà. Vous cherchez la vérité, mais vous êtes trompé de chemin. » Donc il ne suffit pas de chercher la vérité, il faut être conforme à la vérité. Donc en tout cas, on a vu le verset qu'il a interprété, et il a interprété aussi le verset très connu, « فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ » Qu'est-ce qu'il a dit Abdullah ibn Abbas ? Il a dit « وَجْهُ اللَّهِ » ici, il n'a pas dit visage comme dans les traductions qu'on trouve là. Il a dit « la qibla agréée par Dieu ». Où que tu tournes, il y a une qibla agréée par Dieu. Et c'est pas partout, c'est pas dans tous les cas. C'est le prière nef, il a. parce que les prières obligatoires, il y a un verset. فَأَيْنَمَا تُوَلُّ فَوَلُّ وُجُوهَكُمْ شَطْرَ فَوَلُّ وُجُوهَكُمْ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. C'est ça le verset. فَوَلُّ وُجُوهَكُمْ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّ وُجُوهَكُمْ شَطْرَ. C'est-à-dire, ce verset oblige de se diriger vers la Mecque, la Kaaba, pour la prière obligatoire. Mais pour les prières nafila, avant, ils faisaient les voyages sur monture, ça durait des jours. Ils voulaient faire gagner des hasanats, et donc Dieu a permis qu'ils fassent les prières nafila sur la monture. Ils se dirigent vers la Qibla au début, ils continuent pour gagner du temps. Ils font des nafila sur la monture. Donc c'était ce verset, c'était pour ce cas-là. فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. Pour y faire des nefs, il a des prières surrogatoires. Pas la prière obligatoire, comme certains, ils sont dans le TGV, dans l'avion, ils sont assis, tu les vois, ils font comme ça, salam alaykum, salam alaykum. C'est pas valable. Prière obligatoire, il faut être debout. Prière, c'est la meilleure des œuvres après la foi. Salat afdal a'mal ba'd al-iman. La yasah. جالس في الكرسي ساعات في المترو تلقاه السلام عليك في المترو دون المترو تلقاه كيمي كالكان سوالي بون السلام عليك يعني prière c'est la meilleure des œuvres après la foi. Dieu t'a donné le fait d'exister, tu peux pas trouver un moyen de faire la prière, t'es pas en guerre, ça tire pas des balles. On dirait qu'ils sont en guerre. Même dans la guerre, les compagnons, ils faisaient la prière. Il a été dit, Khaled, avant qu'il se convertisse, ce qu'il a touché, c'est qu'il voyait, il était observateur, lui. Il était guide, chef des mécréants. Il voyait les musulmans, ils font la prière pendant la guerre. Et ça l'a choqué. Il dit, ça l'a touché. Ça doit être une religion grandiose. Pour qu'ils fassent la prière alors qu'ils sont dans la guerre. Il a observé les musulmans, ils faisaient la prière. Il était mécréant avant Khaled. Et on fait le harb, Khaled, chef, on misalli, ou le muslimin. On laisse le harb, la hachai. Tu le cas, j'ai dit, les kmin, fait taïara, kul taïara misalli, ou tu le cas, tu le sabah, je suis chouchou le sabah. الحمد لله نحن يعني تعلمنا نصلي حتى قبل لوباكمون يصلي. أرض الله واسعة وجعلت الأرض مسجدا. رب يعطيك الوجود. الله قال وإن تعد نعمة الله لا تحصوها. موجود عندك عين سمع بصر وإن تعد نعمة الله لا تحصوها. تقدر تصلي 5 صلوات. الدنيا ملك لله. Donc le monde appartient à Dieu. Dieu peut anéantir le monde en un instant. Ça ne peut pas faire 5 prières. En tout cas, ici, il perd de la prière nafila. فَأَيْنَمَا تُوَلُّ فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. C'est-à-dire une qibla. Wajh ici, qibla. Et le mot wajh, ça a d'autres sens. Comme on dit, فَيْلِ وَجْهِ اللَّهِ. C'est l'agrément de Dieu. Dans le hadith, أَقْرَبُ مَا تَكُونُ الْمَرْأَةُ مِنْ وَجْهِ رَبِّهَا فِي قَعْرِ بَيْتِهَا. وَجْهِ رَبِّهَا, c'est-à-dire la femme, elle est plus proche de l'agrément de Dieu. C'est-à-dire l'obéissance ici de Dieu. On ne peut pas dire le visage. Donc, c'est l'obéissance à Dieu. Elle est plus proche de l'agrément de Dieu quand elle est chez elle. Ça veut dire c'est mieux pour elle, sans nécessité de ne pas sortir. Voilà, ça montre les richesses de la langue. Et puis, c'est connu, même dans toutes les langues. Il y a des expressions qui ont des sens figurés, les métaphores. Celui qui a fait un peu d'analyse de texte, c'est même les œuvres des gens écrivains, il te dit, voilà, analyse de paragraphe, il y en a, ils font tout un semestre sur un poème d'un tel ou d'un tel. Ils vont analyser la portée de cette phrase, etc. Selon les règles de la langue, des sens figurés. Alors, ces gens-là, ils bâclent, soi-disant, traduction mot à mot, et ils égarent les gens. Donc, en tout cas, voilà ce qu'il a dit Abdullah ibn Abbas, il a expliqué le verset, c'est la qibla agréée par Dieu. Et il y a une autre manière de réciter, on a dit, سي ولا وما يعلم تأويله إلا الله. C'est-à-dire, seul Dieu sait cela. Il y a de s'arrêter sur la récitation. Et ça, ils ont dit, ça veut dire, c'est les choses que seul Dieu sait. Comme, quand est-ce qu'il y aura la fin du monde exactement? Quand est-ce que Dajjal, Messie Dajjal, il va sortir exactement? Ça, c'est, ils ont expliqué, cette deuxième manière de réciter, c'est de s'arrêter. « Wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah » et « Wa rasikhuna fil ilmi yaqununa » Donc, il y a ces deux récitations. Donc, vous voyez, la science, c'est précis. Les savants, ils n'inventent pas comme ça. C'est des règles. Comment ça a été rapporté? Quelle interprétation? Avec des preuves. Toujours avec des preuves. Ils expliquent avec des preuves. Ce n'est pas l'avis personnel. À mon avis, je pense que... Non, ce n'est pas comme ça. Parce que, quoi qu'on a comme science, on ne devient pas prophète. Donc, ces gens-là qui ont doctorat ou passent à la télé... Ils se prennent pour des prophètes, carrément, certains. Je pense que, à mon avis, le halal, ils le rend haram, le haram, ils le rend halal. C'est pas comme ça. Rasoul قال, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, كلكم يؤخذ من قوله ويترك غير رسول الله. معناها, الأنبياء, هو قال عن نفسه, ومعناها كل الأنبياء لا يخطئون في الحلال والحرام. أما أين إنسان قد يخطئ. Ça veut dire, le prophète, il a dit ce qui signifie, chacun, on prend de sa parole et on délaisse, sauf le prophète. Ça veut dire, sauf le prophète et aussi, sauf tous les prophètes. Tous les prophètes, ils ne se trompent pas sur le halal, le haram, les règles. Mais n'importe qui peut se tromper. Donc n'importe qui, pour parler, il faut qu'il se réfère à des preuves. Du Coran, du Hadith, et des preuves rationnelles, bien évidemment. Il reste encore. Hein? Ouais. Attention, faut s'alerte. Parce que les gens, il y en a, dès que tu vas faire, ils font oh, ah, c'est trop tard. Si boîte direct là, je contrôle là, heureusement. إذن الرسول قال يعني هذا مهم يحفظ الإنسان هذا قال عليه الصلاة والسلام كلكم يؤخذ من قوله ويترك غير رسول الله معناها كل الأنبياء ميخطئوش لأن وحي من الله عصمة من الله سبحانه وتعالى حتى الأنبياء الله لهم الأنبياء من عصمتهم ما عندهم سبق اللسان ما يخطئوش هذيك في الشريعة ما فيش كلام هذاك في الشريعة لا يخطئون في الوحي لا يخطئون لا الله حفظهم من سبق اللسان سبق اللسان يجي للناس عامة الناس يجي جيت عيط لولدك اسمه زيد تعيط له باسم الاخر تقول العكس هذا سبق لسان لا مؤاخذة عليه ما تكتبش عليك جيت تعمل دعاء تقول وما أنا من المشركين تقول وما أنا من المسلمين هي كلمة كفرية لكن لا تكتب عليك لأنه سبق لسانك أعطى الرسول عليه الصلاة والسلام مثال إنسان جاء يعمل دعاء فرح قصة حكاها الرسول وفرح هذا الرجل قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك هو جاء يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك سبق لسانه ما تكتبش عليه سبق اللسان لا يكتب على الإنسان هذا سبق اللسان الله حافظ الأنبياء علاش لأن الأنبياء هم المرجع يقول حلال حرام يجي وإنسان يقول لك بلك سبق لسان تولي تشكيك في الدين إذن الله حافظهم من سبق اللسان donc Dieu a préservé les prophètes donc bien sûr tout ce qui est dans la religion tout ce qui est révélation ben ils se trompent pas c'est normal parce que c'est Dieu qui révèle ils se trompent pas qui parle des choses religieuses, halal, haram, ou parle des sujets du bas monde. Par exemple, il dit, comme il dit le prophète, que Koulou Zaita wa Dahinou Beh, manger l'huile d'olive, il y a de la baraka, c'est bien. Le miel. Que ce soit les sujets religieux ou les sujets mondains, les sujets par révélation, ils ne se trompent pas. Il y a des choses دنيوية اللي يحكي عليها الرسول بالوحي ما يغلطش لا يخطئ. Et aussi, ils n'ont pas le lapsus. Lapsus, ça peut arriver n'importe quel humain, mais pas au prophète. Lapsus, c'est pas noté sur nous. Même si c'est lapsus, il comporte des mauvaises choses, mais ils sont pas notés parce que c'est arrivé sans qu'on le veuille. Comme si quelqu'un il veut dire une chose, ça sort autre chose. C'est ça lapsus. Il voulait dire. Par exemple, l'exemple qu'il a donné le prophète, quelqu'un, il était tellement content, il lui arrivait une chose, il voulait dire, « Oh Allah !» Tellement il était content, il a dit, « Oh Allah, tu es mon esclave, je suis ton seigneur. » Lui, il voulait dire l'inverse, mais c'est sorti autre chose. Ben, ce n'est pas noté sur lui. Mais les prophètes, ils sont préservés du lapsus. Et donc, « Anbiya, hafidhahum Allah min hada. »« Mada qulna ?»« La yukhti'una » في الوحي في أمور الدين إن كانت بالوحي أو بالاجتهاد لأن أكثر العلماء قالوا يجوز للأنبياء الاجتهاد لكن لا يخطئون أكثر العلماء قالوا يعني النبي يتكلم بالوحي ويجتهد في بعض المسائل فلا يخطئ قالوا إذا كان عالم الشافع ومالك يجتهد فمالك الرسول قد يجتهد ويعمل قياس وكذا الرسول ولكن لا يخطئ أما شافع ومالك قد يخطئ بالاجتهاد المهم الرسول قلنا في الدين ما يخطئش في الوحي ما يخطئش إن كان يحكي في الدين أو في أمور دنيا ما يخطئش قالوا في أمور الدنيا لهنا انتبهوا مليح أمور الدنيا بلا اجتهاد بلا وحي يجوز عليه الخطأ الرسول مثل مسألة النخل قصة معروفة في تأبير النخل يعني في أمور الدنيا بلا وحي يجوز الخطأ على الرسول قال العلماء لأنه حديث هناك قال إن أمرتكم بأمر من أمور الدين فخذوه وإن أمرتكم بأمر من أمور دنياكم فإنما أنا بشر معناها قالوا هذا من هذا الحديث شفتوا العلماء يتكلموا بدليل قالوا في أمور الدين ما يخطأش إن كانت بالوحي أو بالاجتهاد وفي أمور الدنيا التي هي بدون وحي قد يخطئ قد يخطئ في هذا يعني اللي هي مهوشي بالوحي في أمور الدنيا أما في الحلال والحرام ولو بالاجتهاد ما يخطئش شفتوا كذا أما في أمور الدنيا بلا وحي مثل تأبير النخل قصة النخل هذه نحكيها مرة أخرى قال فيها هذا الحديث الرسول إذا أمرتكم بأمر من أمور الدين فخذوه معناه ما يغلطش فيه وإن أمرتكم بأمر من أمور دنياكم فإنما أنا بشر مسألة النخل هذه donc on a dit pour finir on a dit le prophète il se trompe pas dans tout ce qui est religieux qu'il soit par révélation ou par effort de recherche parce que beaucoup de savants ils ont dit c'est valable pour le prophète de faire ijtihad comme ils font Chef et Omelek, sauf que le prophète, lui, il ne se trompe pas. Il peut parler des sujets de la religion sans révélation par ijtihad. Beaucoup de savants, ils ont confirmé cela, mais ils ne se trompent pas. Mais les grands savants, ils peuvent se tromper même par ijtihad. Le prophète, il ne se trompe pas. Dans tous les cas, les sujets religieux, qu'ils soient par révélation ou par ijtihad, il ne se trompe pas. Les sujets mondains, si c'est par révélation, il ne se trompe pas. Les sujets mondains sans révélation, c'est possible qu'ils se trompent. Ça, c'est basé sur un hadith. Ils ne l'ont pas inventé comme ça. Il y a un hadith où le prophète il dit, si je vous ordonne les sujets de la religion, alors prenez-le. Et si je vous ordonne les sujets de bas monde, alors je suis un humain. Et de là, c'était l'histoire de sur les palmiers, en fait, on y verra une autre fois. Mais en tout cas, sur les sujets mondains sans révélation, c'est possible, ils ont dit, les savants qui se trompent. Mais les sujets... par révélation, ben, dans tous les cas, ils ne peuvent pas se tromper, parce que c'est révélation. Les sujets religieux, ben, que ce soit par révélation ou par effort de recherche, ils ne se trompent pas, parce que c'est une référence. Ça vient du Coran, du Hadith, bien sûr. Donc, vous voyez la précision. C'est ça, la religion, les savants, donc chaque chose, elle a une preuve claire du Coran, du Hadith. « وَهَذَا مَعْنَا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُ أُمَّةً وَسَطًا » هذا معنى اتباع الشرع واتباع الدليل. مش الهوى ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله دونك Allah nous interdit de suivre les passions car ça égare. Donc il faut suivre les règles de la religion. طبعا يقول الرسول يخطئ في الحلال والحرام والدين هذا كافر بالله ولو اسمه دكتور ويتعدى في الجزيرة ولا من أي بلاد كان وهذا حصل واحد مشهور قال هذا الكلام وهذا كفر يقول الرسول يخطئ في الدين هذا ليس مسلم donc celui qui dit que le prophète il se trompe dans la religion il n'est pas musulman qu'il a titre docteur ou qu'il vient de tel pays ou autre qu'il passe dans la télé ou non ça change pas Celui qui accuse le prophète de se tromper dans la religion, ça, c'est un démon de l'islam, ça annule l'islam. Walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala muhammad tahir amin, subhana rabbika rabbil izzati amma yassifoun, wa salam al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.